Tout le monde est là? Oui! Les gars, vous êtes prêts? Oui! Oui! Vous avez un problème? Nous avons un podcast! Ouais! 168e balado diffusion. Ici Frédéric Barouchi en compagnie de Martin Boily. Salut Fred! Mathieu Bouillon! Salut! Et notre invité de cette semaine, vous allez peut-être reconnaître sa voix, les gens qui sont habitués de... Il casse le punch! Chaud! C'est Jean-Philippe Durand! Salut, hey. Salut Fred! Mathieu, Martin! Salut! Salut Jean-Philippe! Antoine! Oui, Antoine, oui. Encore en Grèce! Oui. Donc, avant d'attaquer un problème, je cherchais un peu la formule la plus claire et la plus courte pour expliquer « pas de problème ». Et je pense que Mathieu, tu es très concis d'habitude. Go! Oui. C'est pas à TV. Ouais! Alors, c'est très simple. Vous nous envoyez vos problèmes. Nous, on choisit un problème par podcast. On fournit des solutions. Des solutions pratiques, moins pratiques, mais on vous fournit des solutions, vous faites ce que vous voulez après et on s'amuse bien. Voilà, c'est un peu ça. Hein? C'est ça que je dis, c'est pas à TV. Exactement. Et avant de commencer le problème de cette semaine, j'aimerais qu'on claire quelque chose tout de suite. Ah oui? Le concours des t-shirts. Alors là, il y a eu... j'aimerais m'excuser auprès de Jérémy Benoît. Cette semaine, j'ai découvert que dans nos courriels... qui nous avait envoyé des designs, puis je les ai pas vus. Oh! Mais Jérémy, je vais t'envoyer... Tu vas avoir sur notre bras un T-shirt et un autocollant pour nous faire pardonner. D'ailleurs, les autocollants, venez nous voir tous les deuxièmes mardis au bar Les Passages pour aller chercher votre autocollant. Oui. Donc, mais faut pas enlever l'autocollant du T-shirt, parce que sinon, c'est plus un T-shirt, pas de problème. Ça, exactement. Non, c'est pas vrai. Non, alors, tiens les manches. Oui. Les finalistes pour le concours de T-shirt étaient Véronique Langelier pour podcast numéro 1 au monde, Andy Boucher pour les boîtes à surprise et Andy Boucher pour les points le point d'interrogation. Alors... Oui, ben, je pense qu'il y a une mention coup de cœur du jury, hein, mais dans une catégorie qui n'était pas acceptable. C'était le T-shirt des Nachos de Stéphanie Perron. Oui, il était parfait. Ben, peut-être si on a assez de pression et la permission des Nachos, on pourra le faire, l'offrir aussi. Donc, et maintenant, le T-shirt qui est maintenant disponible sur le site de Mustard Dress Up, allez le commander maintenant, c'est nul autre que... Point d'interrogation de Andy Boucher que je vous présente à l'instant. Andy Boucher? Sur lequel on retrouve des bourrins, Université de Nancy, Tabar Plot, I Will Kill You. Toutes des choses que si t'as pas écouté le podcast, tu comprends rien. Mais que si tu les as écoutées, tu ris de bon cœur. Oh oui, mais tu ris pas parce que tu l'avais déjà vu le design sur le site il y a 8 mois. C'est vrai. Donc... Mais Andy, il va falloir qu'on se contacte parce que tu vas recevoir 4 t-shirts de ton design. Wow. Une copie de mon livre dédicacé par mon auteur. Oui, génial. C'est moi. Le t-shirt, l'ancien t-shirt porte-problème qui nous reste, il en reste un pour femme. Donc tu vas l'avoir. Là, tu donneras à. C'est un small, hein. Et tous les livres qu'on voit dans la photo de l'événement, gracieuseté de la maison d'édition Les Malins. Sans compter. Ton design qui est imprimé et qui sera porté par nos podophiles. Oui, on a prévu aussi un défilé de mode hein, au métro Namur. Donc, il y a 6 mannequins qui vont défiler avec le T-shirt. On vous attend. C'est demain. Alors, voilà. Une fois que ça, c'est dit, hein, j'aimerais, avant même d'aborder le problème de cette semaine, vous rappeler qu'on est ici tous les deuxièmes mardis au bar Les Passages. Amenez vos amis. Merci, Podophile, de venir. Et on espère vous voir tous les deuxièmes mardis. Et c'est gratuit. Et il faut avoir 18 ans. Biscuit de boisson! OK. Alors, mais j'aimerais aussi dire merci à Martin Franklin et Benjamin Dubé qui nous ont fait nos premiers dons sur PayPal. Waouh, oui. On peut les applaudir. On peut les applaudir. Merci. Okay. 2 000 $ qu'on va réinjecter dans la business. Oui. Ouais. Non, c'est plutôt pour éponger nos pertes. Et, Pertes? Nos prêtres. La poursuite aux criminels. Voilà. Maintenant, est-ce que, Martin? Oui. Tu veux lire notre problème? Oui, bien sûr, Frédéric. Alors, juste être sûr que je lis le bon, on parle du problème de Xavier Cronstrom-Richard, c'est exactement. Ça? Exactement. Parfait. Donc, il va comme suit. J'ai bien aimé votre podcast numéro 94, « Comment faire pour se calmer et trouver le sommeil après avoir regardé un film de peur? » J'avais envie de vous proposer ce problème. Lorsqu'il faut m'endormir, je suis rarement inspiré et peine de trouver des histoires auxquelles penser. Mm-hmm. Quelles sont les meilleures histoires à inventer la nuit venue qui pourraient me permettre de m'évader doucement dans le monde des rêves? Vous en avez parlé un peu lors de votre podcast numéro 94. Je trouvais qu'il y avait matière à approfondir ce problème spécifique. Alors, je vous invite à réécouter le Pas de problème 94. Mais Jean-Philippe, c'est pas pour rien qu'on t'a invité pour celui-là parce que... Oui. Improvisateur, comédien, auteur, tu dois t'endormir jamais, vraiment bien. Ouais. Je sais pas. Moi, j'ai pas de misère à m'endormir dans la vie. Là. Je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de misère. Moi, non. Je m'endors très rapidement. Même que présentement, je peux peut-être être en train de dormir. Je sais pas. Non, c'est vrai. Est-ce que c'est des yeux dessinés sur tes paupières? Exact. Mais moi aussi, en lisant le problème, je trouve que. Je sais pas, je trouve que c'est un drôle de problème, je trouve ça intéressant. Les meilleures histoires à inventer, je pense que depuis qu'on est petit, la prière prend une place quand même. Tu sais, plusieurs l'ont abandonné avant de se coucher, mais tu sais, c'est un moment... Mais je sais pas si la prière chrétienne, pour être plus sérieux, s'est tassée pour devenir une prière qui est plutôt une espèce de bilan de la journée, disons. Moi, j'aime bien ça avant de me coucher, faire un bilan de ma journée, là, de me dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai dit ça à lui à ce moment-là, j'aurais pas dû, puis m'endormir en me sentant très mal pendant 8 heures de temps. Mais, t'as levé 4 heures plus tard pour écrire un message Facebook d'excuses. Exactement, en pleine nuit, c'est ça, ce genre d'affaires. Mais y en a-tu parmi vous qui ont des problèmes à s'endormir, justement? Moi, ça m'arrive, mais Mathieu, t'avais pas... Oui, écoute, moi, j'ai fait une mini-recherche pour le moins endormante sur le sommeil. Non, mais tu sais, il y a beaucoup de notions là-dedans qu'on connaît déjà. Là. Des choses comme l'homme dort en moyenne 8 heures par nuit contre 6h30 pour la femme. Les phases du sommeil, on connaît ça un peu. Hein, somnolence, sommeil léger, sommeil profond et sommeil paradoxal. Donc, c'est l'endroit de la phase REM, là, tu sais, là, le mouvement oculaire rapide, des érections et des rêves érotiques, Martin. Ah oui, vraiment, c'est là que ça se passe. C'est moi qui me demandais dans quelle phase c'était ce matin en me levant. Oui, je sais que toi, tu pensais que c'était dans le sommeil léger, mais non. C'est dans le sommeil paradoxal. Je vais me coucher moins niaiseux. Plutôt, je vais me lever moins niaiseux demain matin. Puis pour finir, Fred, ça sera pas long. J'avais quelques troubles du sommeil, hein, comme l'insomnie, le bruxisme, donc grincement ou claquement involontaire des dents, l'hypopnée, anormalité respiratoire, la cataplexie, des faiblesses des muscles, hein, que tu peux tomber, et les terreurs nocturnes, donc des troubles nocturnes caractérisés par une forte peur et anxiété ou la somniphobie, peur de dormir. Se réveille en sursaut. Will c'est parfait. Mais je pense que ce que Xavier nous demande, c'est pas mal dans la phase d'endormissement, c'est-à-dire de passage du stade éveillé à endormi. C'est le plus tough. Comment s'endormir? C'est celui-là. C'est là que un peu... Il est tricky. Des fois, notre cerveau, il nous envoie dans des directions funky. Oui. Oui. Mm-hmm. Mais je sais pas, est-ce que son but, c'est ça? Moi, selon moi, il y a peut-être une direction à prendre. Est-ce que son but, c'est d'inspirer les rêves qui vont suivre? Donc, est-ce qu'il veut être que son endormissement devienne la muse de ses rêves? Oh, wow! Oui, je te remercie, Mathieu. C'est juste toi qui es impressionné. Oui. Il paraît que, justement... les rêves, c'est-à-dire le sommeil, c'est là qu'on reprogramme le système nerveux. Du moins, c'est ce que j'en ai lu. Et est-ce que, justement, est-ce qu'on veut être... se programmer pour être plus productif, pour être plus libidineux, pour être, je sais pas. Qu'est-ce qu'il veut, Xavier, à partir de ça? Donc, ça peut être quelques pistes de recherche. Là, pour d'un point de vue d'érudition, en tout cas, la nuit permet à la mémoire de passer de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Ça sert à ça. Fait que c'est bon de faire une sieste après l'étude pour un examen, quelque chose comme ça. Fait que peut-être que Xavier pourrait lire des informations intéressante ou pas, pour les apprendre par cœur avant de s'endormir. Comme Homer qui apprend une nouvelle langue. Exactement. Oui. Chandler aussi qui arrête de fumer puis qui devient une femme finalement. Oui. Ouais. C'était cassette là. Hein. Oui, beaucoup de sitcoms pour peu d'utilisation réelle dans la vie, je pense. C'est tout le temps dans les sitcoms. Oui, c'est que ça. Mais être vraiment le whiz des mathématiques, là, c'est peut-être à ce moment-là qui, justement, des notions très, très logiques et très... Oui, c'est ça. Pour que ça passe dans le... Comme la mémoire Fred à long terme. Savage dans L'Enfant génial, qui devait penser Mario oui. Bros 3. Mmh. Ah, c'était son frère, un peu autiste, oui. Puis qui savait où était le Warp Zone avant même que personne le. Clairement, une publicité de Nintendo, hein. c'est sûr. On vous invite à aller voir. Le gars, il arrivait avec son gant, là, le Power Glove. Attends, mais ça, c'était la Californie, là. Oui, c'est ça. La Californie. Écoute, si vous n'avez pas vu le film, vous manquez un bon bout de podcast en ce moment. Donc... C'était drôle. L'Enfant génial. Oui. Mais moi, je me demande si son problème, c'est vraiment un problème d'imagination, comme quoi il n'est pas capable d'inventer des histoires avant de s'endormir, ou c'est vraiment un problème de sommeil. Donc, je ne sais pas, là, des techniques pour trouver le sommeil, je pense qu'il y en a plusieurs, mais des techniques pour stimuler son imagination, pour trouver des bonnes histoires à sa côté, ou lui dire où trouver les histoires qu'il pourrait se raconter. Je pense qu'il est là, la petite source de notre problème. Je pense qu'il a envie de se faire emporter par ces réflexions-là. Puis Donc, mais vous, est-ce que vous faites ça? Mettons, est-ce que vous vous dites des fois consciemment, « OK, je vais essayer penser à quelque chose d'un peu le fun, voir si ça m'amène à quelque part. » Oui, mais des fois, il y a ça, on fait comme des associations là, pendant qu'on dort, on se met à penser, et à un moment donné, on fait « Hein, comment j'en suis venu à penser à ça déjà? » Et là, on se met à remonter. Mais on s'endort. Moi, un truc que j'aime faire, c'est d'y aller consciemment, de faire comme « OK, je pense à un terrain de baseball, OK, je pense à une balle de baseball qui va dans le ciel, oh, je pense à un oiseau. » Je fais consciemment le chemin pour avancer. Et ça serait pas mieux si tu le faisais avec une petite voix, hein? Je pense à un terrain de baseball. Une voix de rêve. Oui, une voix de rêve. Mais je le fais avec une voix de rêve. C'est juste que je vous le raconte pas avec une voix de rêve. Non, fais-le. Fais-le, Martin. Bon. Je pense! Je pense à un terrain de baseball. Ça, on dirait que c'est virus de Lise Morin. Non, c'est virus de Lise Morin. La ventriloque Lise Morin. Elle rêve d'avoir une carrière. Hein? Non, c'est pas vrai, t'as Penelope McQuaid l'été passé. Ben voyons donc. J'ai capoté. Elle faisait le craft. Mais Oui, c'est ça. J'ai une solution possible, messieurs. Oui? Et Xavier. Tu sais, des fois, justement, on manque d'imagination, mais pourquoi pas? Puis ça, c'était fait, ça a été prouvé à travers l'histoire qu'on s'inspire des œuvres d'art des autres. Oui. Et y aller faire des sequels aux films ou aux livres qu'on a bien aimés. Donc, moi, je sais pas, j'ai été déçu de La Matrice 2 et 3. Ben, il n'existe plus pour moi et je continue après La Matrice 1. Ah, OK. Je fais ça dans ma tête. Ah, c'est bon, ça. C'est des rêves qui peuvent te donner beaucoup d'argent quand même. Oui, oui, mais peut-être, c'est ça. Mais tu sais, je ne sais pas quel bon film là, on pourrait continuer, qui n'a jamais eu de suite. Monsieur Lazare. Ça pourrait être le retour de Martine en zombie. Monsieur Lazare. Monsieur Lazare. The sequel of Monsieur Lazare. Oui. Ouais. Tu disais... Ben, Hamlet 2, qui est un vrai film, oui. Tu sais, mais quand même, c'est une suite à c'est Hamlet. Pas vraiment la non, suite. Pas vraiment. Mais ouais, un sequel de le livre de film. Ou peut-être, justement, on disait qu'on passe de court terme à long terme, mais se faire une émission de cuisine, ça marche très bien là, à télé depuis quelques années. Juste se faire ça, tu sais. Puis, tu sais, pas fort, on peut parler pas fort aussi. Salut, comment ça va? Salut. Hey, vous prenez deux œufs. C'est drôle, ça, j'aime ça. D'autres solutions, c'est à vous, hein? Oui, ben moi, quelque chose que je fais, là, tu sais, on connaît tous les tests de Rorschach, est-ce que c'est ça? Oui, donc, la moi, feuille qu'on plie en deux avec de l'encre dedans. Là. Oui, exactement. Donc, moi, je me suis fait ma propre variation qui est le test du Rotschlack. Donc, c'est pour dire, c'était pas le Rotschlack? Le Rotschlack, okay. Voilà. Non, en fait, là, tu sais, je me ferme les yeux dans mon lit et là, je laisse comme à chaque seconde venir une nouvelle image, tu sais, comme une balle de curling, tu sais, comme peu importe, là. Puis là, j'essaie comme, tu sais, de pas perdre le rythme. Puis à un moment donné, comme, il y a plus de stress, c'est juste genre des images qui viennent. Puis. Mais est-ce que tu te le dis avec une voix, un âne, une balle de bowling, pas de stress? J'aimerais ça, mais ça ressemble plus à la voix que tu avais préalablement, là. J'ai jamais préalablement, oui, cette voix-là. Non, non, mais qu'est-ce que t'as fait ça? C'était plus ça. Mais, un papillon. Je peux faire du chemin là-dessus, Mathieu? Oui. Tu sais, si l'image t'est donnée par quelqu'un d'autre. Oui. C'est-à-dire, tiens, Mathieu, je sais pas, un collègue de travail, mets ça dans ta poche. La dernière chose que tu regardes avant de fermer tes yeux, c'est cette image-là. Oh mon Dieu. Puis là, t'as plus le droit d'ouvrir tes yeux après, faut que tu t'endormes. J'aimerais pas ça, je pense. Parce que toi, tu sais ce que tu donnerais comme image. Mais ils sont pas tous. C'est pas tout le monde qui va donner une photo de crotte. Non, non, moi, ça serait la. Moi, l'image là, qui m'a fait peur toute ma vie, là, c'est la hache d'argent. C'est quoi la. Ah, c'est un poisson terrifiant. Et la Google en ce moment. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah, oui, j'avais... c'est lettre. Ça, il cite. Non, mais tu peux peut-être faire des demandes spéciales. J'ai vu ça, moi aussi, quand j'étais jeune, dans les livres de Cousteau de mon père. Oui, hein? D'ailleurs, c'est sa fête aujourd'hui. Je vais vous la montrer, tout le monde. Capotez pas, là. Alors là, si vous écoutez le podcast chez vous, on vous invite à googler quoi? La hache d'argent. Comme oui, mais il faut qu'il pogne la bonne photo, là. Celle-là est peurante, là. Mais tu sais, tu peux faire des demandes spéciales, donc c'est pas... Alors, non, mais on peut... tu peux faire des demandes spéciales. Si Xavier demande à un ami de confiance, je veux une image qui va réveiller mes sens et mon imagination. Mm-hmm. Tu sais, c'est un bon défi. Quand c'est même. Un maudit bon défi, ouais. Mais sinon, aviez-vous ça, mes yeux, vous, quand vous étiez jeune, des étoiles phosphorescentes que vous colliez sur votre plafond? Ouais, ouais, ouais. Moi, non, je savais pas ça, mais je mais la petite fille... Ça existait. La petite fille qui habitait chez nous avant. Elle avait ça, puis t'as jamais été capable de le décoller. Ouais. Oh non. Oui, c'est un classique, ça. Mais ce qui est dommage, c'est que ça reste pas éliminé très, très longtemps. Mais quand même, tu peux t'endormir en regardant les étoiles, en essayant de te faire des images, en les reliant. Je sais pas, il y a peut-être de quoi, là. Oui, oui. Et... Bon. Sinon, dans un ordre plus masculin. Oui, ben, moi, tu sais, il y a une référence à laquelle on n'a pas fait allusion encore, c'est les Mille et une nuits, hein, et Scheherazade qui racontait à chaque soir pendant Mille et une nuits à roi. Ouais. Une série de contes arabes qui se poursuivaient de nuit en nuit pour, dans le fond, retarder le jour où elle se ferait buter par le roi. Donc, ben voilà, hein, ça. Peut-être qu'il y a un moyen, là, que Xavier peut-être pourrait lui aussi kidnapper une princesse arabe à l'imagination fertile qui pourrait lui raconter les aventures de Sinbad le marin, par exemple. Ben oui. Kidnapper comme quelqu'un comme Jean-Philippe. Je vais juste dire, ben oui. Qu'est-ce que tu disais? Non, mais est-ce que tu es une princesse arabe? Ouais, hein? Oui. Et puis ça, il y a plusieurs films sur les rêves aussi. Je parle souvent de films dans les podcasts, donc voilà, c'est parti. Tu parlais souvent de films. Oh, t'as raison, oui, c'est fini. Oui, ces souvenirs-là qui remontent. Mais tu sais, il y en a eu plusieurs de bons dans les dernières années, dont Inception, qui est à mon avis, un grand film, je sais pas pour les autres. Le Magicien d'Oz, encore une fois, les dernières années, donc les dernières 70 ans. Il y avait juste une anecdote, tant qu'à faire un podcast comme ça, tant qu'à avoir été là longtemps et avoir parlé de Freddy beaucoup trop de fois, on ne peut pas compter une anecdote de Freddy que j'ai jamais contée. Vas-y! La 20e. Freddy est sorti en 1984, au mois de novembre, donc il y a un film qui s'appelle Dreamscape, qui est sorti 9 mois avant, qui raconte environ la même histoire, soit celle d'une espèce d'usine qui vérifie les rêves des gens, comme si l'armée vérifiait les rêves. Et croyez-le ou non, il y avait le méchant du film, est un gars qui a des ongles très piquants et qui est exactement pareil comme Freddy, qui peut griffer le monde. My God. Et ça, c'est parce que Wes Craven a lancé le scénario en 1980 à tous les studios pour qu'eux puissent l'acheter ou pas. Et personne ne l'a acheté à ce moment-là, sauf que quand ils ont su que la production se faisait du film, ils ont décidé de sortir un film au plus vite. Comme ils ont fait, ils font ça des fois là, comme Deep Impact, puis Armageddon, exactement. Des films environ semblables qui sont juste faits pour compétitionner. Fait que pour niaiser ce film-là, les gens de New Line savaient que l'autre film se faisait, tout ça, puis il est sorti un peu d'avance. Donc, le directeur artistique qui a fait l'affiche du film, vous regarderez bien, l'affiche de Freddy 1, il y a un petit dessin dans l'affiche de cachet qu'on peut voir si on a l'affiche en bonne définition, où un serpent qu'il y a dans l'autre film est là. Il a fait le dessin du serpent dans l'autre film, identique, caché dans l'affiche. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine, mais ça me fait bien rire. Mais bref, il y a beaucoup de films sur les rêves, puis je ne sais pas si c'est parce que c'est intéressant au niveau de fiction de pouvoir raconter quelque chose qui surpasse la réalité. Fait que je pense que ça simplifie les affaires au niveau du montage et tout ça, dans le sens que tu peux faire un peu n'importe quoi. Non. Mais je ne sais pas, il peut peut-être écouter des films, genre Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ouais, ouais. Il est comme un bon film pour faire un... Mais moi, je pense qu'il y a une piste possible, Jean-Philippe. Ouais. Par exemple, je veux dire, tu as écrit... Tu as écrit une web-série? Exact, oui. Mais il y a un peu de ça, c'est-à-dire quand on parle... Lui, peut-être qu'il fait face à la page blanche de ils sont en train de regarder l'image. On vous invite à faire la même chose à la maison pendant que... Ah oui. Oh, le méchant serpent. OK. Mais... C'est un serpent. Peut-être que Xavier... tout le monde va le regarder. Alors, on le pointe à... C'est pas le serpent de Beetlejuice, ça? C'est exactement lui. 4 ans avant, ça l'a inspiré Beetlejuice. Ah. Non, c'est pas vrai. Il ressemble à Beethoven, le chien. c'est le serpent de Beethoven. Mm. Inspiré aussi Beethoven. Oui. Mais qu'est-ce que fait un artiste face à la page blanche? Moi, je pense que la page blanche n'existe pas. Je pense que c'est juste, faut se donner une méthode de travail. Faut travailler tout le temps. Ah, je pensais que tu voulais dire, c'est tout déjà écrit. Non, il faut écrire le plus possible. Je pense que la seule affaire qui peut nous empêcher d'écrire, c'est Facebook. Oh! Mais littéralement, là, tu sais, je veux dire, faut que tu... Oui, mais Facebook, il n'existait pas il y a 20 ans. Puis non, mais dans il le problème, c'est que oui, ça existe. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, je pense que il n'y a pas tant de panne d'inspiration. Tu sais, trouvez-vous... Xavier a juste à se trouver une espèce de prémisse de base, là, puis, tu sais... Dans le fond, c'est pour s'endormir, puis il va sûrement arriver à complètement d'autres choses. Ça se peut, tu sais. Fait que dans le fond, ce que tu dis, c'est si Boris Pasternak avait eu Facebook, il n'aurait pas écrit Docteur Jivago, mais des drôles de status à la place. Mettons. Je suis vraiment des bons persuadé statues. De ça. Des fucking bons status, man. Des affaires drôles. Des statues Vago. Oh! Ah, mais faites-vous ça, vous, quand vous vous endormez pas, d'ouvrir votre iPhone puis commencer à vous promener? Ça, c'est la pire affaire. Semble-t-il que c'est la pire affaire à faire parce que les écrans rétro-éclairés, semble-t-il que ça éveille des parties du cerveau qui t'empêchent de dormir dans votre... Pas faire ça. Mais moi, on dirait que j'y crois à l'affaire qu'il faut séparer les deux lieux, là, tu sais, de te dire... Ouais, pas le de travail. Le salon est fait réputé à la TV, la chambre est faite pour dormir, tu sais, puis tu respectes cette affaire-là. Je sais quand t'es fatigué, tu te vas dans le lit. Moi, une année, j'avais voulu mélanger salle de bain puis mon lit, là, puis de garde. Ouais. Non seulement je n'ai pas trouvé le sommeil, j'ai cochonné mes draps. Et puis j'ai essayé ça 3 ans et demi de temps, là. Il y a une chance que tu les laves juste une fois par année. Il y a une chance. Et ça vient de source, si. Ah oui. Ouais, c'est pas bien propre. Nous autres, on a essayé portique et cuisine, et c'est très encombrant. Ah oui, ouais, c'est vrai pour vous autres aussi. Hein. Mais peut-être, écoute, c'est peut-être très terre-à-terre, là, mais un peu hippie, mais se prendre un petit cahier et tous les jours... Mais toi, tu fais ça. Ah non, mais moi, je fais pas ça. Mais clairement ça, cahier, Fred. Là, non, mais j'ai pas le choix d'avoir un cahier. Tranche de vie, là. Il fait tout le temps. Dans quoi t'écris en ce moment, là? Garde. Mes amis m'interrompent tout le temps. Non, mais excusez-moi, j'étais en train d'écrire. Oui. De recueillir un peu, mais ça se fait avec un iPhone, là. De prendre des photos de choses qui viennent frapper notre imaginaire pendant la journée, puis peut-être les repasser quand on se brosse les dents. Hein? Oui, on a les mains libres de toute façon. Hein. Oui. Mm. Toi aussi, t'as tapé ta brosse à dents sur une tige. Oui, oui, oui. Puis, sur une suce dans le miroir, c'est là. Ça, puis, ouais. Puis tu as juste bougé ta face. Il y a une petite motion, il y a une petite motion sexy avec ouais. ça. Alors. La soie dentaire, c'est la même ouais. chose. Hein? Les premiers mois, j'avais de la misère, mais j'avais les oreilles propres. Oh, on dirait des blagues de Claudine Mercier. Mais tu crevais un œil. Mais tu crevais un œil. Bye bye 89. Oui, vraiment. Oui. Messieurs, avez-vous. Allons-y pour un dernier sprint. Là. Est-ce qu'il y a des choses que. Pour l'inspiration en général, je pense que c'est ça, le nerf. Ben, la drogue, on va se le dire. fumer. Ben, moi, j'ai, personnellement, j'en consomme plus, mais il me semble que quand j'étais jeune, je me rappelle. Un bon gros bat, là, comme ils disent. Puis. Tu t'endormais en pensant à toutes sortes d'affaires, puis... Faudrait partir le podcast juste avant « Bon gros bat ». Bon gros bat. Non, mais c'est vrai, c'est, la drogue stimule l'imagination et aide aussi le sommeil dans une certaine mesure, mais ça dépend des drogues, là. C'est sûr qu'il y a des drogues qui peuvent... Puis ça t'aide à finir tes études. Ah non, c'est pas vrai, c'est le contraire. ouais. Non, mais as-tu fini ses études, lui? Il dit pas. Ouais. Moi, il y a une invention que je faisais des fois, là, que je fais même, c'est intime, je raconte ça, mais tu sais, comme c'est d'imaginer que le lendemain matin, tu te réveilles genre 15 ans plus tôt, tu sais, mais que tu as tout vécu, mais que tu te réveilles comme genre en 1998, puis que là, faut aller à ton cours. T'as déjà raconté ça, Mathieu, dans un autre podcast. Pour vrai? Et je mets au défi les gros fans de Pas de problème de retrouver dans quel podcast Mathieu a exactement raconté cette anecdote-là et courir la chance de gagner le livre de Frédéric Barbouchy. Oui. Encore une fois. Mais c'est quoi le super bon livre? C'est Rewind ou... Oui, Replay. Replay, c'est oui, ça, c'est Replay, oui. Il repart il fait à 18 ça, ans. Ouais. C'est Ken Grimwood. Oui, très bon. Et maintenant, vos solutions préférées, messieurs? Ou est-ce qu'il y a des solutions préférées et ou propositions dans la salle? C'était le truc c'était le truc de Sylvie Bernier. Ah non, c'était pour plonger. Oh. Mais c'est quoi maintenant de la musique? Mais c'était, le truc d'Alexandre Despaty, par exemple. Ah non, ça aussi, c'était pour plonger. Puis c'était Big Mac aussi. OK. Solution préférée, messieurs? Alors, j'ai un ami dans la salle qui propose de justement se toucher. Mathieu. Bon, on va-tu le dire? Oui, la masturbation. Mathieu, ben, c'est toi qui es censé parler de ça, parce que oui, la masturbation, c'est quelque chose qui est à la fois stimule l'imagination et aide à s'endormir. Bon, enfin, on brise les tabous de ce podcast-là. Hey! Je m'excuse, je sais même pas de quoi vous parlez. La masturbation? Oh, c'est mâcher. Ah, c'est relâcher les muscles de la bouche. Ouais, t'as pas parlé des bobettes stimulantes au niveau des parties génitales. Oui. Ah, t'en as déjà. Oui, mais c'était pour aider les gens à courir, pas à s'endormir et ça. Ouais. Non, je cherchais, moi, une toune vraiment relaxante et j'ai pensé à Harmonium, Histoire sans parole. Ça marchera pas, Mathieu. Ça marchera pas. Ça marchera pas, c'est sûr. Okay, ben, allez l'écouter. C'est endormant. Ouais. Puis il y a Judy Richard qui chante. Ce podcast-là, vous allez l'arrêter souvent. Jean-Philippe? Écoutez ce podcast-là, sinon. Hein? Oui. Ça endort. T'as quelque chose? Oui, c'est ça. Ma blonde fait dire réveiller la personne qui dort avec nous et lui parler. Donc, ça peut être une situation. Mais on touche à quelque chose, par exemple. Là, peut-être essayer de se pogner Fred Pellerin ou une affaire de même. Ouais. Coucher avec, puis s'arranger pour juste avant de s'endormir. C'est Fred, raconte-moi donc une petite histoire. Histoire de babine encore, là. Va voir le film. Non, mais tu sais, c'est de se pogner un compteur ou une compteuse. Là. Un compteur d'électricité? Hey, moi, à voir ma facture monter, j'ai de la misère à m'endormir. On vous laisse là-dessus. C'est mauvais. Oh, mon Dieu. Non, Jean-Philippe? Hey, sincèrement, j'en ai pas, Fred. OK, ben c'est correct. Mais moi, sincèrement, c'est la stimulation extérieure de quelqu'un d'autre ou de quelque chose que justement on s'impose dans la demi-heure précédant le sommeil, mettons, par exemple. Voilà. Oui. Ben, si vous avez des solutions préférées à la maison... Ben, moi, j'en ai une. Moi, j'aimais ça, ton deuxième... la suite d'un film. Le sequel. Ouais, le sequel, aussi, c'est d'accord. Bon, ça. Prequel, le sequel, Ouais, le prequel aussi, savoir oui, où, bon, est-ce, d'où est-ce qu'il part. C'est bon. Part moi, je fais la même chose, mais avec des pièces de théâtre. Mon œil. Moi, je suis plus capable de Les Belles Sœurs 5, là. Hey, t'as réussi au concert à dire le même extrait de la même pièce pendant toutes nos pièces différentes qu'on a fait. Exactement, oui. Il faisait son messager de tragédie. Messieurs, oh. Avant de se quitter, j'aimerais féliciter Jean-Philippe Durand, nommé aux Gémeaux. Oui! Ah, oui. Merci, merci, merci. Les Gémeaux! Merci, merci à vous. Bravo. Merci. Y en a-tu d'autres, là, ici? Non? OK. Alors, dans vos faces... Et la semaine prochaine, nous aurons nul autre que Sylvain Lefebvre pour le problème d'Annie Roy. J'aimerais aussi remercier la compagnie Boilly Boileau. Oui, il n'y avait le pas bar. Les moyens de payer, donc ils m'ont introduit dans le podcast. Mais non. Le bar Les Passages, baladoquebec.ca. Un shout-out à nos amis co-podcasteurs, les broadcasts qu'on appelle Trois Bières et tous les autres. Trois Bières qui viennent ici. Là. Si vous voulez les voir, venez aux enregistrements. Ils sont juste une bière aujourd'hui. Là, ils sont une bière. Mais une bière plus une blonde. Et Dominique Hamel pour quelques micros. Jean-Philippe pour les micros. Mr. Dress-Up, allez commander nos t-shirts. Et stoulez-nous le problème des autres. On a besoin de vos problèmes. Allez sur Facebook ou ici même... au bar Les Passages, on a le cahier, ajoutez votre problème et on va s'en occuper. Si vous voulez faire un pont à la prochaine chose que je dois dire, c'est un don. Bravo. Oui, merci. C'est bon, ça. Oui, merci. C'est solide. Si vous voulez faire un don, vous passez par linstab.com, linstab, pas d'apostrophe. Il y a un petit bouton PayPal, vous cliquez dessus. Évidemment, sur iTunes... Sinon, il y a l'itinéraire aussi. L'itinéraire, c'est bien aidant. Oui. Faire un don, là, tu sais. Absolument. C'est beau passer à nous autres, mais regarde, il y en a d'autres, là. OK. Fait que pour chaque don qu'on reçoit, Mathieu donne la même chose à l'itinéraire. Oh oui. Parfait. Et je vous rappelle que ce podcast était une présentation spéciale de Martin Franklin et Benjamin Dubé. Qui nous ont fait un nom. Voilà. Des choses à ajouter, monsieur? Ben, venez nous voir au passage. Ouais. Venez tenter l'expérience Pas de problème live. On vous reçoit super bien. Là, comme là, le buffet d'aujourd'hui, c'est quoi, Mathieu? Déjà, là, je ne sais pas ce que c'est. Écoute, j'ai essayé une salade cœur de palmier mandarine pêche avec une vinaigrette à l'huile balsamique et à autre menterie. Oh! Oh! Oh! C'est succulent. Tout le monde se bourre la face dedans sans cuillère. C'est sucré, sketché. Avec du feta de mensonge. Du feta de mensonge. Mais venez vous amuser avec nous, public. Vous tripez comme des malades. Excellent! N'oubliez pas d'aller sur iTunes. Votez pour nous, 5 ou rien. Et d'ici la semaine prochaine, Jean-Philippe, à toi l'honneur. Vous avez un problème, ils ont un podcast. Merci!